Le chat du rabbin de Johann Svar, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. Troisième épisode. L'usurpateur. Docteur, comment va-t-il? Je n'y comprends rien. Cet homme devrait être mort depuis longtemps. Pourtant, il garde les yeux ouverts. Il ne respire plus, mais il bouge. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne de la famille qui n'est pas là et qui doit encore venir? Oui, son petit-fils. Il est venu exprès de France. Il devrait être là d'un moment à l'autre. C'est quelqu'un d'important pour lui. Il l'adore. Alors, nous allons l'attendre. Voilà. Quand le petit-fils est arrivé, il avait une de ses têtes. On aurait dit qu'il avait pleuré toute la traversée. Il a pris la main du vieux, et le vieux s'est redressé sur son lit. Mon père. Comme il a pu, pour le regarder. Et puis sa tête est retombée sur sa poitrine. Mon père. Le petit-fils lui a fermé les yeux. Shema Israël. Et tout le monde a dit le schéma. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchut Olam Vaheil. Tout va au même endroit, tout est légèreté, et tout retourne à la légèreté. Avant d'être enterré, les morts sont vulnérables. On doit les protéger. Alors on se met en cercle autour du défunt pour que rien de néfaste ne puisse lui venir du dehors. On allume une veilleuse près de sa tête, puis les femmes de la famille entrent et elles se mettent toutes à pleurer. Certaines se donnent même des coups de griffe sur le visage. Oh là là, c'est violent, hein? Ah oui. Heureusement qu'on fait pas ça dès qu'un chat ou qu'un lion meurt. Et maintenant, nous allons commencer la lecture des psaumes. Prenez vos livres à la page... Ah non, non, non. Chez nous, on ne procède pas ainsi. Quoi? C'est une famille marocaine. Bah, et au Maroc, ils ont des rites différents d'ici. Pose à même le sol. Alors on fait comme ils ont l'habitude de faire, en suivant les instructions du petit-fils. D'abord, on déshabille le corps et on le pose à même le sol, sous un linceul. Chez nous, on fait la même chose. Après, on recouvre tous les miroirs de la maison. Ça aussi, on le fait, hein, Malka? Mais laisse, cousin. S'il vous plaît. Puis le petit-fils nous fait vider tous les récipients dans lesquels il y a de l'eau. Il envoie un gamin prévenir les maisons alentour qu'il y a un mort et qu'ils doivent jeter leur eau aussi. Un homme est mort! Jetez votre eau, un homme est mort! Et je peux savoir pourquoi vous faites ça? C'est parce que l'ange de la mort rôde. Il pourrait tremper son épée dans cette eau. Et ça, c'est pas de la vraie religion, ça, c'est de la superstition. Non, Malka? Enfin, si ça lui fait plaisir, il vaut mieux le laisser faire. Oui, pendant ce temps, les gens de la communauté vont préparer la tombe, car l'enterrement doit avoir lieu le plus vite possible. Et nous, nous restons en cercle autour du mort. Au matin, le grand-père traverse la ville au son du chauffard. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, les gens, de ces juifs qui vont au cimetière guidés par un lion et un chat? Arrivé au cimetière, je croyais qu'on allait l'enterrer, mais non. Les voilà qui se mettent à faire des rondes autour du cercueil. À ton avis, à quoi ça rime tout ça? Si j'avais encore la parole, je le demanderais volontiers au rabbin. Malheureusement, les humains, j'arrive plus à leur parler. Enfin, on l'enterre. Quelqu'un a amené de la terre d'Israël. Chacun en jette un peu sur le mort. Ils font des prières. Et c'est fini. Allons-y, on ne peut pas rester ici trop longtemps. Il paraît que parfois, quand on vient d'enterrer un mort, on peut entendre sa voix qui appelle les vivants. Mais j'ai beau revenir sur mes pas pour écouter, j'entends rien. Tout le monde retourne à la maison du mort pour manger quelque chose. Moi aussi j'ai faim. Mais j'ose pas miauler dans de telles circonstances. Tenez, goûtez-moi ces petits pains au raisin. Oh, merci. À moi, on donne rien. Au lion non plus. Mais lui, je crois qu'il a l'habitude de pas manger. Après, Après ça, le rabbin et le cousin Malka quittent la maison en deuil. Pas mauvais ces petits pains, hein ? Exquis. Excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve l'hôtel Sadi Carnot, s'il vous plaît ? Et qu'est-ce que tu veux aller faire, l'hôtel Sadi Carnot ? C'est que la maison de mon grand-père est petite et une partie de la famille est venue de loin, alors j'ai préféré aller à l'hôtel. Malheureusement, je connais pas bien la ville. Et ça va pas, mon fils ? Tu vas quand même pas aller dormir à l'hôtel un jour comme aujourd'hui ? Ah non, mais ça me dérange pas du tout, vous savez. Oh, mais puisqu'on te dit que non... On te dit que non, tu vas venir à la maison. Si, ça me fait plaisir. Tu vas voir, tu seras très bien là-bas. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas ? Oh, mais non ! Je le sens pas, lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il fait trop de manières. Tu dis va ? Non, je t'assure. Les chats sentent ces choses-là. Tu connais bien les rituels, mon fils ? C'est mon grand-père qui m'a appris. Mais ça sent le café, là-haut. Et les gâteaux aux amandes. Et il vient de manger, lui. Oui, mais il est gourmand. Il peut être fier de toi. Tu lui as fait honneur aujourd'hui. C'est une bénédiction d'avoir un petit-fils comme toi. Oh, du poulet. Tiens. Et qui trouve-t-on à côté des gâteaux ? Cousin Malka. Quel plaisir de vous revoir. Vraiment, tu te souviens de moi, Zabia ? Tu étais si petite la dernière fois que je t'ai vue. Mais qui est cette charmante jeune femme qui plume un poulet avec tant de délicatesse ? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Knidelet. Je suis la meilleure amie de Zlavia. Mes hommages, mademoiselle. Toi, tu ne prendras que ce qu'on voudra bien te donner, compris ? Vous n'avez pas peur des animaux, les filles ? Je peux laisser aller mon lion par-ci, par-là. Bien sûr, cousin Malka. Voilà un bol de pâté, pour vous deux. C'est une blague. Et vous partagez, hein ? C'est tout ? Et le poulet ? La bia ! Laisse-moi te présenter Jacques Naoum. Il est de Paris, mais c'est un très bon juif. Il sait les prières mieux que moi-même. Ah non, je connais juste qu'on enseigne dans l'école des rabbins. Tu es rabbin ? Oui, je dois entrer en fonction ici même dans quelques semaines. Mais il ne faut pas en parler, hein, c'est pas encore officiel. En fait, je suis venu en Algérie pour ça. C'est étrange que mon grand-père ait précisément attendu mon retour pour mourir, non ? Non, c'est courant ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il a ? Comment qu'est-ce qu'il a ? Vous arrivez ici pour prendre sa place, vous le lui annoncez comme ça, le bec enfariné, et après vous osez demander ce qu'il a ? Mais non, voyons. Si vous voulez du café, vous n'avez qu'à vous servir vous-même. Je vais quand même pas en plus jouer les hôtesses pour un usurpateur. Ça alors ? Si j'avais su. Qu'est-ce qu'on porte à Paris en ce moment ? Ça va, papa ? Laisse, ma fille. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Cousin. Aïe. Ah, ton matelas est divin, cousin. Ça me change de la rocaille du désert. Tu peux dire à ton lion de descendre du lit. Descends de là, toi. Oh. C'est lui. Quoi ? Le rabbin qui va me remplacer. C'est lui. C'est le gamin. Dommage. Moi, je l'aimais bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'en fais pas, je vais attendre qu'il n'y ait pas de témoin et personne ne retrouvera le corps. J'ai un associé qui s'occupe bien des restes de mes ennemis. Non, Malka, tu es vraiment le plus gentil des cousins, mais ne fais pas ça. Je vais plutôt partir quelques jours. Hein. Faut que je réfléchisse. Tu es sûr ? Oui. Bon. Et tu ne vas pas faire des bêtises, hein ? Non, je vais aller sur la tombe de Messaoud Tsfa. C'est son anniversaire bientôt, il me conseille toujours bien. Dans quelques jours, je reviendrai. Tu es sûr que tu ne veux pas que je le tue ? Tu sais, parfois on tue juste une personne et ça règle tous les problèmes. Tu es un miel, mon cousin, mais non. Contente-toi de surveiller ma maison pendant mon absence. Et que ma fille ne traîne pas avec ce garçon ! Je compte sur toi ! Ne t'en fais pas, cousin. J'y veillerai. Messaoud Tsfar était le beau-père du grand-père du rabbin. C'était un médecin et un saint. Chaque année, nous nous rendons sur sa tombe. On ne croise pas grand monde sur ce sentier désert. Sauf à un moment, un vieil arabe juché sur un âne. Il parle l'arabe littéraire, le même que celui parlé par les juifs. Il doit venir de loin, parce que les arabes d'ici parlent autrement. Tiens, ils ont l'air de se connaître. J'ai une gourde entière de lait avec moi. Tu en veux ? Avec plaisir. Moi, j'ai un peu d'eau parfumée. Allez, yalla. Comme ils décident de poursuivre leur chemin ensemble, ça me permet de faire connaissance avec l'âne. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment il s'appelle ton maître ? Ignorant. C'est Sheikh Mohamed Tsfar, le grand chanteur. Quand il chante, son chant ouvre les yeux. Quand il danse, sa danse rend sage. Même les ânes, il sait les rendre intelligents. Attends. Il est arabe ? Il s'appelle Tsfar. Bah oui, Tsfar, c'est arabe. Mais ça va pas, non ? Tsfar, ça vient de sofer, ça veut dire écrire en hébreu. Tsfar, c'est juif. Mais bourrico, Tsfar, ça vient de jaune en arabe. Hein ? Ça évoque la fleur de soufre des chaudronniers. Tsfar, c'est arabe. D'ailleurs, nous allons sur la tombe de Messaoud Tsfar, notre ancêtre. Eh ben, nous aussi, c'est là qu'on va. Mais Messaoud Tsfar était un grand soufi, un saint. Mais n'importe quoi, Messaoud Tsfar, c'était un rabbin. On me répète un peu pour voir. C'était un rabbin. Répète. Ah ben, je vais le répéter, c'est un rabbin. Non, c'était un soufi. Rabbin. C'était un soufi. Ah, tu l'as dit, rabbin. Non, j'ai pas dit. On dirait que les bêtes sont un peu fatiguées. Ah oui. Nous allons faire une pause. Ah, c'est un âne étrange. Figure-toi qu'il sait lire mes partitions, il est même capable de chanter en trois langues. Ah, ça, c'est extraordinaire. Non, en fait, c'est plutôt un souci. Il chante très faux. Donne la parole à un âne, ça restera un âne. Tu ne crois pas qu'il faut éduquer tout le monde ? Ah si, même les ânes, il faut. Mais alors, il faut le faire sans illusion. À chaque fois qu'une chanson me plaît, j'ai à cœur de la transmettre. Alors je convoque le plus de musiciens possible et je la leur enseigne. Mais ça ne suffit pas à leur donner du talent, n'est-ce pas ? Ah non. Et le pire, c'est qu'à entendre le texte dans leur bouche, j'ai l'impression qu'ils s'abîment. Et les mots qui me plaisaient deviennent triviaux. Tu sais quoi ? On devrait vivre dans une grotte et juste rester là, dans notre coin. J'apporterai mes livres, toi tes chansons. Eh non, parce qu'un jour Allah nous le reprocherait. Nous serions comme Jonas qui a accordé plus d'importance à un arbre qu'aux gens. Et alors ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a déjà fait beaucoup pour les autres, qu'on est vieux, qu'il nous fatigue et que maintenant on voudrait être tranquille ? Non. Ah, pourtant mon frère, je t'assure que si je pouvais éviter de retourner chez moi. Et pourquoi dis-tu ça ? Voilà 30 ans que j'étais le rabbin. Et là, par écrit, sans même venir me voir pour me l'annoncer, il m'envoie une lettre de Paris pour me dire que je ne suis plus le rabbin de rien du tout. Tu as cette lettre ? Oui, tiens. Ouvre-la toi-même. Ah, tu sais le contenu des lettres avant de les ouvrir, hein ? Celle-là, oui. Toi, tu as cru que Dieu n'était plus avec toi et ça, c'est une grande faute. Quoi ? Cher monsieur le rabbin, nous sommes ravis de vous communiquer par la présente que vous avez obtenu la note de 10,5 à votre dictée. Tu as fait une dictée, toi ? 10,5 ? Lis, mon frère, lis. La note de 10,5, ce qui vous donne un niveau de certificat d'études. Le consistoire français, il est très fier de vous et il espère que tous les rabbins, ils vont suivre votre exemple et pas rester comme des bourricots à pas savoir écrire le français. Il y a vraiment écrit tout ça ? Non, bourricot, c'est moi qui l'ai ajouté. Alors je suis encore le rabbin? Ah, viens que je t'embrasse, mon frère. Mélinette, doucement, Mélinette. Viens, on va prier. Et ils ont prié tous les deux ensemble. L'un tourné vers Jérusalem, l'autre vers la Mecque. Puis ils ont joué de la musique. Le cheikh a pris son oud et il a prêté une derbouka au rabbin. Ils ont chanté et dansé et ri toute la nuit. Ils étaient plus ivres que s'ils avaient bu. Et moi, dans ce climat d'euphorie, je me suis dit que ça aurait été chouette de retrouver l'usage de la parole. Mais je n'ai rien retrouvé. Flavia, mon cousin. J'ai une grande nouvelle. Bonjour, papa. À vous annoncer. Oui, je sais, papa, tu es toujours le rabbin. Ah, oui. Bon, ben, je vous laisse. Toujours le rabbin, toujours le rabbin. Toujours le rabbin. Zlavia est un peu bizarre aujourd'hui, non? Assieds-toi. Mon cousin, figure-toi que je suis toujours le rabbin. Ce jeune homme, il se trompait. Il ne va pas me remplacer. Mais non, personne ne va te remplacer. Il reprend la synagogue de la rue Rondon parce que le rabbin Seroya est trop vieux. Maintenant, écoute-moi. Et ce jeune homme, où est-il? Il est parti chercher sa tante. Pourquoi? Il veut plus dormir dans la maison? Non, sa tante, la sœur de son père, parce que son père habite à Paris. Son père? Tu sais quoi? Je crois que je vais me marier. Non mais ça va pas, non? J'espère que papa dira oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah non, non, non, mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais pas d'accord du tout. Tu m'entends? Qu'est-ce que je vais être heureuse. Non. Non, c'est ma maîtresse. Eh bien, bah dis quelque chose. Oh. Mais allez, allez, enfin. Mais c'est une bonne nouvelle au fond. Mais c'est pour ça qu'on élève des enfants, non? Oh. Crois-moi, c'est un bon garçon. Hein? Ta femme aurait été folle de joie. Tiens, elle doit être heureuse aujourd'hui si elle nous voit de là-haut. Mais je t'assure, c'est une bonne nouvelle. Je vais attendre que ce jeune homme vienne officiellement me faire sa demande. Oh, et puis non. Une tante. Qu'est-ce que c'est qu'une tante? On n'a pas ma fille avec seulement une tante. Que son père vienne. Quoi? De Paris? Non mais écoute, tu nous emmerdes, Abraham. Oui, tu nous emmerdes. Hein? Va plutôt voir ta fille qui attend. Mais je ne sais pas, va la bénir et qu'elle prépare des gâteaux avant que la famille arrive. Non. Oh. Vas-y. Ou je casse tout ici. Et ils ont mangé les gâteaux. Les gâteaux de ma maîtresse, comme s'ils étaient à eux. Maintenant, elle va aller faire ses gâteaux ailleurs, dans une autre maison. On m'a même pas dit si je venais avec elle ou pas. Et le jeune, là, qui l'a regardé avec des yeux, a collé des griffes dedans. Et mon maître, qui disait rien. Prendre ta fille. Tiens, tu es encore là, toi. Il va te prendre ta fille et tu deviendras vieux. Elle sera enceinte. Elle deviendra vieille, elle aura des enfants qui deviendront vieux et tout le monde mourra. Oh, viens par ici que je te caresse un petit peu. et tu laisses faire ça, toi. Mais quelle sorte de maître es-tu? Oui, tu peux bien pleurnicher maintenant qu'il n'y a plus personne. C'est quand ils étaient là qu'il fallait réagir, fallait dire non, on ne veut pas de votre voleur de maîtresse et de fille. Annonciateur de vieillesse, de gros ventre, de varices. On veut que tout reste comme c'est. Ah, toi au moins, tu me restes fidèle, hein? Oui, mais toi tu laisses filer les choses. Non, ne pars pas. Reste encore un peu avec moi. Et celle-là. Viens par là, mon chat. Quelle importance ont tes caresses à présent? Tu me tripotes machinalement comme tu frotterais tes pieds sur un paillasson alors que tu penses à un autre. Je sais même plus parler et personne s'en préoccupe. Tu sais, je ne vais vivre qu'à 2 rues d'ici. Pour toi, ce sera comme avoir 2 maisons finalement. Oh, toi, j'ai plus rien à te dire. À suivre. Le chat du rabbin de Johann Sfar. Adaptation Catel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar est publié chez Dargo. 3e épisode avec Rufus, Jonathan Cohen, Charles Gonzalez, Fred Ulysse, Roland Timsit, Georges Serre, Florent Houlier, Slimane Yefsa, David Houry, Lisbeth Arasi, Élise Roth, Sid Ahmed Agoumi, Gilles Privat. Et les voix de Ève Rouvière, Léa Moscovitz, Marie Dogneau, Christine Braconnier, Claire Boger, Mathias Timsit, Phil Bouvard, Henri Alexandre, Xavier Xapla, Christophe Chen, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hénaud. Alader Bouka, Adèle Rababa et Oud, Emra Captan. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Aussire.